France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Anna Politkovskaya, la journaliste qui défiait Poutine. Notre invitée, Véronika Dorman, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Libération, c'est notre journal partenaire une fois par mois, c'est donc aujourd'hui. Vous étiez la correspondante de Libé à Moscou entre 2009 et 2016. Et puis vous êtes retournée sur place pour couvrir la présidentielle. Alors on connaît la suite de ce scrutin, Poutine 77%. Dire qu'on était étonné serait mentir. Ça vient d'où cette adhésion des Russes à cet homme-là pour un quatrième mandat? Nous, on voit un homme inquiétant. Alors peut-être que c'est un raccourci, mais on voit quand même un homme plutôt inquiétant. Les Russes voient un homme de confiance apparemment. D'où ça vient, cette adhésion? Il y a plusieurs choses. Il y a un véritable effet de propagande d'abord, dans le sens où médiatiquement il n'y a que Poutine qui existe. Et dans le paysage politique russe, on ne voit que lui. Et quand on parle, quand on fait un micro-trotte et qu'on demande aux Russes quels sont les hommes politiques auxquels ils font confiance, en fait ils n'ont pas tellement le choix, parce qu'à part Poutine et peut-être Medvedev, qui a été son tandem, l'actuel Premier ministre, et qui a été président par intérim. Oui, son homme de paille. Voilà. Mais de manière générale, le paysage politique est assez méconnu des Russes. Et puis, il y a le fait que Poutine est au pouvoir depuis tellement longtemps que la stabilité a été érigée en religion, en valeur nationale, en bien absolu, et que réélire le même homme, c'est assurer une espèce de stabilité, même si c'est une stabilité qui devient de moins en moins confortable et de moins en moins rassurante. Les Russes ont très peur des changements, en fait. Globalement, parce que à chaque fois qu'il y a une révolution, à chaque fois qu'il y a des bouleversements, ça s'est plutôt mal terminé. Oui, effectivement. Ils sont à bonne école. Donc voilà. Donc, et puis ensuite, si on demandait, l'ambiance était assez morose en Russie, là, juste avant les élections. Les Russes avaient aucun doute quant à l'issue des élections. Ça veut dire pas d'attente non plus. Pas d'attente particulière. On demandait aux gens, est-ce que vous allez voter? Y compris ceux qui étaient pas forcément contre Poutine, disaient que ça servait à rien d'aller voter parce que de toute façon, il sera élu. Donc, il y avait pas d'euphorie particulière. Et il y avait une espèce de résignation et de sentiment que rien n'allait changer, que tout allait rester comme par le passé. La résignation, ça semble être le mot clé. Alors pendant 7 ans, vous avez travaillé donc en Russie pour un média étranger, en l'occurrence français. Alors on a entendu le récit autour de Anna Politkovskaya. Tiens d'ailleurs, petit cours de russe, j'ai dit Politkovskaya tranquillement pendant tout le récit. Et puis vous m'avez dit avec justesse, Véronika Dorman, qu'on dit bien Politkovskaya. Enfin, bon, c'est pas très grave, mais enfin, c'est mieux si on le dit comme ça. J'en ai oublié ma question. Oui, alors comment, sans aller jusqu'au drame d'Anna Politkovskaya, travaille-t-on quand on est journaliste en Russie, et y compris pour un média étranger? Alors, les correspondants étrangers sont privilégiés en Russie parce que nous ne sommes pas sous la même pression que les médias russes, parce que pour le pouvoir, on n'a pas beaucoup d'importance, on ne les intéresse pas énormément. Ça a peut-être un peu changé ces derniers temps, surtout depuis 2014. Depuis l'intervention en Syrie aussi, j'imagine. Voilà, parce que il y a un nouveau front dans la confrontation entre la Russie et le reste du monde, c'est le front médiatique. Mais jusqu'à, on va dire, 2014, il y a l'annexion de la Crimée et cette espèce d'implosion des relations entre la Russie et l'Occident, les journalistes occidentaux ou étrangers étaient une gêne, parce qu'on allait fouiner là où il fallait pas aller fouiner, mais en même temps, comme on n'avait aucune incidence réelle, pensaient les autorités sur l'électorat russe ou sur les citoyens russes, ils nous surveillaient pas trop. Alors, c'est pas vrai parce que les grands correspondants ou certainement les agences sont sur écoute. Mmh. Quand on partait dans le Caucase, que ce soit en Tchétchénie ou au Daghestan, on était suivi, c'était certain. Ouais. On était fliqué par les travailleurs des hôtels. Ou alors c'était assez ouvert. Il y avait des gens qui nous attendaient dans le lobby. Mais c'était pas une. Moi, je me suis jamais senti en danger, par exemple. Et je pense que généralement, on se sent beaucoup moins en danger parce qu'on s'expose beaucoup moins. Que la principale difficulté, c'est plutôt l'opacité des structures, le fait qu'ils font pas confiance aux étrangers. Donc pour avoir une interview avec un officiel, c'est beaucoup plus compliqué. Ils nous considèrent comme pas dignes de confiance, donc on a moins d'accès. Alors, comment ça se passe maintenant pour vos confrères et consoeurs russes? Comment le Kremlin arrive-t-il à verrouiller l'information dans ce pays? par des moyens divers et variés. Les chaînes fédérales, donc 70% de la population russe reçoit son information par la télévision. Oui. C'est énorme. Et les chaînes fédérales donc sont toutes contrôlées par l'État. Et donc ça va des listes de sujets qu'il faut traiter ou ne pas traiter, des noms, des listes noires de personnages qu'il ne faut pas citer, d'accents à déplacer, de fake news carrément fabriquées, de sujets mensongers. Voilà. Et puis à l'étouffement des médias indépendants ou des ou dissidents. En gros, c'est ce qu'on connaissait en France dans les années 60 où le directeur de l'information était aussi le ministre de, je sais pas comment on appelle ça, de la communication peut-être, enfin, de la culture, voilà. Bon, c'était ça en gros. Là, c'est un peu plus subtil parce qu'on n'a pas, il y a pas de ministère. C'est le principe, quoi. Mais voilà, en tout cas, les médias, en tout cas, jouent un rôle très très important dans la formation du discours politique, et puis du discours officiel. Mm-hmm. C'est la télévision qui donne le là et qui explique comment est-ce que le pouvoir réagit à telle ou telle situation. Et ensuite, tous les médias, et puis petit à petit. Ces dernières années, tout ce qu'il y avait de médias indépendants ou autonomes ou critiques se sont fait étouffer. Et il reste aujourd'hui. Alors, par ailleurs, il y a Internet maintenant. Et c'est pour ça que c'est très difficile de dire qu'il n'y a pas du tout de liberté de parole en Russie, parce que c'est pas vrai. Il y a Internet et il y a des médias en ligne et qui continuent d'exister, qui sont extrêmement courageux. Le problème, c'est que c'est pas du tout le même auditoire. Et que les gens qui s'informent en ligne et qui lisent ces médias, c'est déjà des conquis, c'est déjà des gens qui adhèrent déjà et qui sont déjà critiques. C'est cet équilibre-là qui est un peu difficile à faire basculer. Alors, on va écouter une archive ensemble, et là on va repartir à l'époque de la Tchétchénie et d'Anna Politkovskaya. Nous sommes en 2002, c'est un sommet entre la Russie et l'Europe. Un journaliste français du quotidien Le Monde interpelle Poutine sur la guerre en Tchétchénie. Alors vous allez entendre le président russe lui répond sur le ton de la menace. Don't you think that ne pensez-vous pas qu'en tentant d'éradiquer le terrorisme en Tchétchénie, vous risquez aussi d'éradiquer la population civile de Tchétchénie? Si vous voulez devenir un islamiste radical, et si vous voulez vous faire circoncire, venez à Moscou. Nous sommes multiconfessionnels et nous avons de très bons spécialistes. Je peux même vous en recommander un pour l'opération. Et il fera en sorte que rien ne repousse. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire ? Il parle plus comme ça. Enfin, moins souvent. C'était 2002, hein. Ouais. Non, il est, il tourne en dérision les questions. C'est vrai, il y a des grandes conférences de presse internationales qu'il a mieux organisées, en fait, quand il reçoit 1000 journalistes venus de Russie et de la terre entière pour l'interviewer en direct pendant plusieurs heures. Et, en général, il essaie d'être goguenard et il essaie d'être drôle. Quand on lui pose des questions qui dérangent, il répond jamais frontalement. Mmh. Enfin, il en vient inquiétant. Mais voilà, il est pas menaçant. C'est pas lui qui est menaçant, en fait. C'est pas lui qui il en profère plus de menaces. Et Poutine a vraiment appris. Et c'est vrai que Poutine a appris à ne pas dire de choses sur lesquelles on pourrait le coincer. Il était beaucoup moins lisse au départ dans les premières années. Et aujourd'hui, sur des tas de sujets même dont on accuse le Kremlin, on peut pas trouver une citation directe de Poutine en train de dire certaines choses parce qu'il est devenu prudent. Absolument. Alors, les journalistes, vos consoeurs à Moscou commencent à prendre leur part de liberté, dénoncent, je crois, du harcèlement sexuel à la Douma. Hein. C'est ça, la Douma, c'est la chambre basse du Parlement russe. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un mouvement libératoire, comme libératoire par la parole aussi, comme en Occident, on fait pareil ou... Non, c'est pas pareil. Ou c'est pas la même chose. En fait, le mouvement MeToo, la déferlante qui a eu en Occident, aux États-Unis, en Europe, n'a pas du tout touché la Russie, ou en tout cas, si on en a parlé, les médias officiels ont tourné en dérision, il y avait au même moment des filles russes qui se baladaient avec le hashtag « Je suis Weinstein », de très bon goût. Et là, ce qui s'est passé récemment, c'est que quelques journalistes qui travaillent en fait pour des médias, pour la chaîne BBC Russie par exemple, ou pour TV Rain, une chaîne d'indépendantes russes, ont dénoncé du harcèlement sexuel par un député. Et elles ont parlé ouvertement. Elles ont participé à un comité devant la Douma où elles ont expliqué ce qui leur est arrivé. Et il y a eu des tas de médias aussi qui sont mobilisés pour les soutenir, mais ça a fait pchit en fait parce que les députés eux-mêmes font front uni autour de leurs députés, y compris les femmes qui considèrent que ces filles ont qu'à mieux s'habiller, ont qu'à pas porter de décolleté, enfin des choses que nous on n'entend même plus tellement ici parce qu'on n'ose plus le dire. Voilà. Donc, mais en même temps c'est la première fois qu'il y a eu cette espèce de mouvement un peu collectif parce que des médias, pas seulement des médias réputés complètement indépendants, se sont mobilisés et ont décidé qu'ils boycotteraient la Douma ou qu'ils boycotteraient ce député Slutsky en question. Donc pour l'instant, ça n'a pas eu de conséquences, mais c'est des petites pousses comme ça, des petits niguets peut-être. Mais toutes les réponses que vous me donnez pour l'instant montrent, prouvent, confirment qu'on ne doit pas regarder la Russie avec notre prisme occidental et français, que ce n'est pas les mêmes repères. Pas la même société du tout. Absolument, mais je pense que c'est la grosse erreur que nous faisons et c'est ce que les Russes nous reprochent beaucoup aussi. Il n'y a pas que la propagande du Kremlin qui nous reproche d'être russophobes, il y a aussi des Russes qui aiment beaucoup l'Occident et qui nous aiment beaucoup et qui attendent beaucoup aussi de notre regard sur eux et qui trouvent que c'est un regard simpliste. Que nous n'allons pas assez loin, que nous sous-estimons des rapports de force qui ne sont pas les nôtres et que c'est un mélange d'archaïsme et de modernité et que tout est différent. Faut relire Tchekhov, toujours, pour l'amour russe, hein. Ça peut éclairer un peu. Dans le récit, on est donc revenu, évidemment, sur l'assassinat d'Anna Politkovskaya, journaliste chez Novaya Gazeta. Alors, est-ce qu'elle détonnait, cette journaliste, par rapport à ses confrères et consoeurs russes? Est-ce que c'était la seule, comme ça, à prendre autant de risques? Je pense qu'à l'époque, oui, et puis aujourd'hui... Alors après, c'est toujours une histoire de solitaire, c'est toujours une histoire d'héroïsme un peu solitaire, comme ça, en Russie. Et déjà, à l'époque, elle était considérée comme l'une des seules et des plus courageuses, et Novaya Gazeta est restée aussi ce média qui produit des journalistes, des femmes, seules, qui continuent, et il y en a encore aujourd'hui quelques-unes, qui continuent à aller dans ces régions extrêmement dangereuses, qui continuent à prendre des risques que nous, on considérait comme inconsidérés, justement, pour écrire, pour dénoncer, parce que la guerre en Tchétchénie est peut-être terminée, mais sur le papier, en fait, il y a une guerre latente qui continue, il y a une violence terrible qui continue au sein de la société, il y a des disparitions qui continuent, la torture continue, et la mort d'Anna Politkovskaya n'a pas mis fin à ça, ni la fin officielle de la guerre n'a mis fin à cette situation, et donc il y a encore des choses à raconter, il y a toujours des gens qui continuent de le faire. Et donc Politkovskaya reste cette figure, cette espèce d'étalon inatteignable, parce que c'est aussi une icône, une femme, aussi. Une icône, et puis c'est sa personnalité, c'est-à-dire que c'est pas juste, on peut pas apprendre à être elle, il faut être elle. Mais pour les jeunes journalistes, et surtout les journalistes qui rêvent d'un véritable journalisme franc et honnête et intègre et courageux, elle reste vraiment un symbole et un exemple. Mais le journalisme n'en est plus là du tout aujourd'hui en Russie, globalement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez me dire par là, qu'il en est que plus là? Que le métier tel qu'on connaît, que nous le connaissons, n'existe pas, que même pour qu'il est en train de se désintégrer, de se recréer. C'est-à-dire que les gens qui veulent travailler honnêtement sont obligés de trouver des formats alternatifs. Que quand on veut juste informer, on peut pas le faire par les canaux classiques tels que nous les connaissons ici. Ça peut pas être juste avec une caméra, avec un micro, parce qu'il y a toujours une commande politique derrière, parce qu'il y a toujours une intention, et parce que quand tu veux dire les choses comme elles sont, tu risques de te prendre un coup sur la tête. Et donc, il faut trouver des moyens alternatifs pour... Bien sûr. On va exercer un petit droit de suite, parce que les auditeurs, le public aiment ça, justement, il a bien raison. Le Caucase, la Tchétchénie, on en a beaucoup parlé, puis on n'en parle plus, comme si tout le monde s'en fichait maintenant. Or, vous dites qu'il y a encore des violences, en quelques phrases, puisque vous êtes retourné en Tchétchénie. Moi, j'y suis retourné il y a 2-3 ans. Ouais, c'est récent. Dernièrement. Qu'est-ce que vous avez vu? On en est où? Alors on en est où? Le deal passé entre Poutine et Kadyrov, c'est que il n'y a plus de terroristes qui sortent de Tchétchénie pour organiser des attentats en dehors du Caucase. Donc ce deal-là est respecté. Effectivement, Kadyrov a réussi à mettre les rebelles sous une chape de plomb, mais au prix de d'avoir terrorisé sa propre société. J'imagine. Mais la dernière vague, et ça vous en avez certainement entendu parler, la dernière vague de violence qui a touché la Tchétchénie, c'est l'espèce de campagne anti-LGBT où plusieurs dizaines d'hommes ont été enlevés, torturés, certains tués, quelques-uns ont réussi à s'échapper et sont maintenant ont obtenu l'asile dans des pays occidentaux. Et c'est tout ça au nom des valeurs tchétchènes, au nom de la tradition, au nom de Donc c'est une, c'est donc et les milices et les et la police tchétchène travaillent sont enfin dans un arbitraire absolu. La les gens simples n'ont aucune prise là-dessus et voilà. Et donc il y a et les ONG ne peuvent plus travailler. Elles se sont fait expulser graduellement par des moyens très violents aussi. Le cas le plus récent, c'est les mémorials, le bureau de mémorial qui a été incendié et le dernier représentant de l'ONG Mémorial de défense des droits de l'homme qui est sous les verrous accusé de trafic de drogue. Donc voilà, c'est une terre de non-droit avec un tyran qui règne. Le tableau reste sombre. Lors de l'intervention russe en Crimée et en Ukraine en 2014, évidemment, on remarque comme ça qu'il y a des événements les uns après les autres qui viennent heurter notre logique occidentale. Hein, la Tchétchénie, la Crimée, l'Ukraine, alors donc ça participe de l'image inquiétante de Poutine. Et bien les rapports entre Paris et Moscou ont fini par se tendre. Hein. Il y a eu ensuite l'épisode du refus des Français de livrer les porte-hélicoptères Mistral commandés et payés par les Russes, le refus par la suite d'accueillir Vladimir Poutine à Paris pour l'inauguration de la grande basilique orthodoxe qu'ébranlie. Alors avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, les relations entre les deux pays s'étaient améliorées en façade en tout cas. Là on sait que rien ne va plus avec l'affaire Skripal, du nom de cette exception russe, Sergueï Skripal, retrouvé inconscient devant un centre commercial de Salisbury, une petite agglomération de la campagne anglaise. Voilà, alors l'Europe et la Russie traversent une crise qui rappelle par certains aspects celle de l'affaire Litvinenko en 2006. Londres accuse Moscou d'avoir un lien avec cette tentative d'assassinat. Moscou refuse toute participation à l'enquête britannique et plusieurs pays, dont la France, procèdent à l'expulsion de diplomates russes. Alors, implication de la Russie ou non dans cette affaire? Et si oui, à quoi joue Vladimir Poutine? C'est une très bonne question. Ce qui est certain, c'est que même au moment de l'affaire Litvinenko, il n'y avait pas eu de front commun comme ça, où tout d'un coup, presque tous les pays européens et les États-Unis se réveillent et décident ensemble de réagir. Et l'affaire Skripal, en fait, arrive plutôt comme une goutte qui fait déborder le vase de la patience des Occidentaux. C'est un peu qui, ça, oui. Depuis 2014, se font raconter des salades régulièrement par Poutine. Mmh. Et en fait, je pense que la question... Alors, les avis divergent. Poutine, est-ce qu'il a vraiment donné l'ordre de cet empoisonnement? Peut-être pas, parce que Skripal n'est pas un maillon suffisamment important. Est-ce que c'est les services secrets russes qui sont derrière? Vraisemblablement. Toujours est-il que ça intéresse très peu, en fait, les Occidentaux, de savoir si Poutine l'a vraiment fait ou pas. Il se trouve que Poutine a fait tellement de choses qu'il nous a dit qu'il n'a pas faites, à commencer par la Crimée, où les petits hommes verts n'étaient pas des soldats russes, mais en fait, c'était des soldats russes. Le Donbass, où il n'y a pas de chars russes, mais en fait, c'était des chars russes. La Syrie, où il n'y a pas de gaz, d'armes chimiques, mais en fait, il y a des armes chimiques. Et à chaque fois qu'il nous dit qu'il n'y est pour rien, il y est en fait pour quelque chose. Donc finalement, c'est cette espèce de... Et alors les Russes crient à l'injustice, parce qu'ils disent encore, vous êtes des russophobes et vous nous en voulez à chaque fois, c'est toujours de notre faute. On est des grands méchants loups, habituels. Mais il se trouve que là, voilà, il y a cette espèce d'effet d'accumulation qui fait que les Occidentaux, c'est comme si c'était un stop. Et on verra après. Alors là, Oui, pardon. Non, voilà, on met un point final. Bon, j'ai bien compris. Il semble d'ailleurs que le premier souci des Russes actuellement tourne autour de ce drame, la tragédie, l'incendie d'un centre commercial à Kemerovo. C'est une ville de Sibérie, 64 morts, dont 41 enfants. C'est ça qui mobilise les Russes en ce moment. C'est ça qui les mobilise et c'est extrêmement symptomatique parce que cet incendie qui a fait tellement de morts révèle le dysfonctionnement total de tout le système parce que les alarmes de sécurité d'incendie n'ont pas fonctionné parce qu'elles étaient éteintes, parce que quelqu'un les avait éteintes, personne n'avait vérifié si le système de sécurité fonctionnait, et tout ça c'est une histoire de corruption. On peut pas évacuer des enfants parce que les portes sont fermées à clé, et donc tout ça révèle une dysfonctionnement générale, terrible. Dysfonctionnement terrible, et les gens sortent et les gens en peuvent plus, et depuis 48 heures les gens sont dans les rues, dans toutes les villes de Russie, et demandent des comptes, et c'est la première fois que autant de gens depuis des années demandent des comptes aux autorités. Donc c'était important, il fallait en parler. Toute dernière chose, je vais vite parce que c'est la fin, voilà. À propos des expulsions, alors on va se détendre un peu. La Nouvelle-Zélande, figurez-vous, a assuré aujourd'hui qu'elle aimerait bien expulser des espions russes, mais qu'elle n'en a pas sous la main. C'est pas un fake news, hein, c'est vrai. Alors j'ajoute que la Nouvelle-Zélande appartient au club très fermé des Five Eyes, alliance rassemblant autour des États-Unis ses services de renseignement et ceux de la Grande-Bretagne, du Canada et de l'Australie, ça c'est le Commonwealth, sauf qu'il y a les États-Unis. Voilà, c'est une nouvelle version. Merci infiniment pour vos éclairages. Merci, au revoir.